Bonjour, aujourd'hui je vous propose de lire une petite conversation que l'on trouve dans une bande dessinée. La bande dessinée d'aujourd'hui s'appelle Boule et Bill. C'est l'histoire d'un garçon et d'un chien, principalement. Maintenant, écoutez ce petit dialogue. Tiens, cours vite me poster cet express, c'est très urgent. Mais pas, j'ai un match de foot. Mes copains m'attendent et je suis déjà en retard. Voilà, c'est court. Vous avez tout compris? Non? Bon, alors je vous le lis une deuxième fois. Tiens, cours vite me poster cet express. C'est très urgent. Mais pas, j'ai un match de foot. Mes copains m'attendent et je suis déjà en retard. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. On se retrouve dans quelques temps pour le même exercice et aujourd'hui ou demain pour un autre exercice. Bonne journée.